Bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres. Encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Troisième épisode. La fatigue du voyage, les escales, près de 20 heures en avion. Les jambes cassées, le dos en miettes, la nuque brisée, l'odeur de transpiration séchée, les doigts, les poignets, le corps gonflé. Bonjour. Votre passeport ? Oui. Salma tend son passeport et son visa sans cacher son agacement. Elle n'a rien à se reprocher, mais vraiment elle n'en peut plus de cette suspicion, cette méfiance, ces interrogatoires. Comme celui auquel elle avait déjà répondu avant le départ et qui lui avait semblé interminable. Objet de votre visite en Israël ? Tourisme. Vous avez des amis ici ? Non. Vous êtes hébergé à quel hôtel ? Une ONG. Où ça ? Jérusalem-Est. Où ? Attendez, je vais vous dire. Vous êtes déjà venu ? Non. Vous ne connaissez personne sur place ? Pardon, vous pouvez répéter ? Vous appartenez à une ONG ? Oui. Quelle ONG ? Une ONG apolitique. Chrétienne ? Apolitique. Son nom, ouais. Son adresse, son but ? La lecture pour les enfants. Les enfants musulmans ? Les enfants. Vous comptez rester à Jérusalem ? Je vais aller au Saint-Sépulcre et puis j'irai à Bethléem. Vous serez hébergé à Bethléem ? Oui. Je veux dire, enfin... Vous serez hébergé ? C'est ça, voilà, de la famille. Hébergé chez eux ? Oui. Vous avez dit de la famille ? Des cousins. Vous êtes sûr ? Oui. Quelle famille ? Je vous ai répondu. Je n'ai pas entendu, répétez. Des cousins. Leur nom, les adresses ? Je suis fatiguée. Des cousins, Votre famille ? Oui, on se parle par Internet. Ils vous attendent ? Oui. Ils vous hébergent ? Oui. De la famille que vous ne connaissez pas ? C'est la première fois que je viens. Vous avez leur nom, au moins ? Oui. Leur adresse ? Oui, je ne vous l'ai pas donnée ? Non. Pardon. Voilà. Attendez. J'attends. Salma marche vers la sortie, croise des militaires et des juifs orthodoxes, et cette première image s'impose à elle. Elle va découvrir la terre de ses grands-parents. Elle passe la porte vitrée de l'aéroport. L'air est presque moite, chargé d'une odeur de brûlé et de poussière. Une poussière jaune et fine, comme une odeur de cuivre, de soufre. Pardon. Soudain, elle recule. Elle ne comprend pas. Ça a l'air loin. Des militaires courent. L'alerte. Quelque part, et pourtant... tout près. Qu'est-ce qui se passe ? Elle ne voit pas grand-chose. Un immense remue-ménage. Une rangée de chicanes rouges et blanches. Une fumée horrible d'un gris verdâtre et dense qui monte vers le ciel et tournoie et se dilue dans la nuit tombante. Quelques centaines de mètres, des gyrophares, orange, bleu, des lumières qui se chevauchent et colorent les murs de béton. Elle ne comprend pas, les gens non plus. Des visages qu'elle reconnaît, le gros monsieur russe, le petit enfant si agité pendant le vol. « Salma s'accroche à la poignée de sa valise. Et lorsqu'il la bouscule, l'homme qu'elle voit se retourner vers elle ne s'excuse pas. Attention, Ahmed. Il tend la main et le bras comme un javelot, une menace. Elle le sait tout de suite. À peine le temps de comprendre. Trop tard, l'homme a disparu. Une silhouette, un jean, une chemisette noire, non, marron ou bleu, je ne sais pas, je ne sais plus. Comment voulez-vous que je le décrive ? J'ai juste compris que je n'avais plus mon sac à main, qu'il avait arraché mon sac, dira-t-elle plus tard. Elle a son portefeuille, de l'argent. Est-ce qu'elle a encore son passeport ? Son visa ? Oui. Elle se souvient tout à coup qu'elle a toute une masse de dossiers dans sa valise. Elle se dit qu'elle va trouver l'adresse et prendre un taxi. C'est ça. Voilà ce qu'elle va faire. Et puis ces alarmes au dehors, des militaires et des policiers, toute cette agitation de gens inquiets, les visages affolés, des questions pendues à toutes les lèvres, les gens qui se précipitent. Est-ce qu'on va fermer l'aéroport ? Est-ce que c'est toujours comme ça, ici, à Tel Aviv ? Une telle agitation ? L'idée d'un attentat lui effleure l'esprit, mais elle la rejette parce que les accidents existent même ici. Est-ce que c'est un accident ? Quel accident ? Quel genre d'accident ? Elle préfère ne pas réfléchir. Elle transpire, elle a soif. Ses yeux se brouillent derrière ses lunettes. Autour de Salma, dans les toilettes de l'aéroport, des odeurs parfumées, une dizaine de femmes assez jeunes, certaines avec des foulards et d'autres tête nue, comme elle. Le logo de l'ONG, le papier signé, le voilà. Et merde, merde, merde, il n'y a aucune adresse, aucun numéro de téléphone. Man, catch my bag right now. No, please, listen to me, because a blue shirt, elle reste là, et si elle n'écoute pas, c'est qu'elle aussi s'est mise à parler, vite et fort. Sa voix recouvre la voix du soldat, le regard fixé sur eux comme pour leur dire, ça suffit, écoutez-moi, j'ai 56 ans et toi, tu vas m'écouter. Salma s'acharne, mais sans crier, sans hurler. Pourtant, sa voix est si haute qu'elle vibre dans sa gorge et résonne à ses oreilles comme une voix extérieure. Elle parle plus fort pour dire en anglais « Un type m'a arraché mon sac. Alors maintenant, dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? À qui je dois parler? À qui? Dites-le-moi. Dites-le-moi. » This is your coffee, madam. Thank you very much. Okay. Yes. Salma se retrouve assise dans un bar, toujours dans le terminal 3. Elle pose ses lunettes devant elle. Elle voudrait pouvoir ordonner ses idées, mais n'y parvient pas. Un long soupir s'échappe d'entre ses lèvres, jusqu'à ne laisser que l'étrange et tiède vibration de sa disparition dans l'air. A coffee, please. Vous aider? Nous étions toutes les deux dans le même avion. Ah oui, c'est possible. Excusez-moi, je suis tellement fatiguée, vous savez. Il semblerait que ce soit pas notre jour à toutes les deux. Ah bon? On vous a volé votre sac? Non, on m'a posé un lapin. Je vous ai vu dans les toilettes. Vous aviez l'air paniquée, j'ai pas osé vous demander. Je me suis fait voler mon sac. Coffee? Thank you. Vous savez ce qui se passe ici ? Non, absolument pas. Vous allez où ? À Jérusalem. On m'attend, ils vont s'inquiéter. L'adresse était dans mon sac. Bon, écoutez, on m'a réservé une chambre dans un hôtel de la vieille ville. Si vous voulez, on peut y aller ensemble. On prend le même taxi, on pourra trouver votre adresse là-bas. Oui, c'est gentil, pourquoi pas. Je m'appelle Salma. Moi, c'est Louli. Enchantée. Enchantée. Ça vous ennuie de m'avancer l'argent parce que Non, pas du tout. Merci. Merci beaucoup. $2, please. Thank you. Bon, voilà, on y va. On y va. Noist, noist. Only west. Jaffa Center. Noist, noist. Jaffa Center. Ok, ok, all right. Le taxi s'est lancé et maintenant les lumières d'un réseau ultramoderne scintillent dans la nuit qui vient. Vous avez quoi comme numéro sur votre passeport ? Quoi ? Au dos, ils ont collé quoi ? Je sais pas. Trois. C'est drôle ? Non, vous n'êtes pas considérée comme une tueuse, c'est déjà ça. Ah bon ? Ouais. Moi, je me suis retrouvée avec un 4. C'est presque vexant. On m'a expliqué que c'est numéroté jusqu'à 5. Le 5 étant le plus inoffensif. Bientôt, ce sera la nuit. Salma et Louli entreront dans la ville trois fois sacrée. Cette idée les impressionne l'une et l'autre, sans qu'elles osent en parler. On suit d'autres taxis, d'autres voitures qui vont vers Jérusalem. Mais on fait plutôt attention aux jeeps, aux camions militaires qui filent vers l'aéroport dans l'autre sens. Les mains du chauffeur sont épaisses et larges, grisées par des poils très bruns. Salma se surprend presque à rougir lorsqu'elle comprend que son regard est figé sur les mains de cet homme. Et quand elle croise son regard dans le rétroviseur intérieur, c'est elle la première qui baisse les yeux, ou plutôt les détourne, les envoie loin derrière la vitre qu'elle ouvre davantage pour respirer encore plus fort, se dégriser, se réveiller de sa fatigue. Elle aurait préféré que l'homme baisse la musique, qu'il dise quelques mots de bienvenue, mais il ne l'a pas fait. Elle a soudain énormément de questions à poser. Elle veut demander à chaque visage qu'elle rencontre, à chaque homme ou à chaque femme, vieux ou jeune, riche ou pauvre, juif ou arabe, ce qu'ils pensent du conflit israélo-palestinien, ce qu'ils pensent de l'actualité, du printemps arabe, ce qu'il en espère ou en redoute pour lui-même, ce qu'il attend pour sa vie et pour celle des autres, sachant que chacun dira bien ce qu'il veut et pensera peut-être encore autrement que ce qu'il dira. Alors, lorsqu'elle croise le regard du chauffeur et l'image s'amenuisant des camions militaires dans le rétroviseur, elle voudrait avoir le courage ou l'audace de demander « Et vous ? Comment vous vivez ça ? Est-ce que c'est difficile pour vous ?» C'est la première fois que tu viens ici ? Oui. Excuse-moi, mais tes parents, ils sont pas inquiets ? Salma attend vaguement une réponse pendant que, sur les côtés de la route, avant que la nuit dilue entièrement l'espace dans l'épaisseur de son obscurité, on aperçoit des carcasses de chars rouillés, emmêlées au pied de hauts cyprès noirs. Des tamaris qui surgissent et s'évanouissent sous les phares, comme des hallucinations. Des images mentales sur l'écran gris d'un défilé invisible. Des arbres partout sur la route. Voilà. 6 millions d'arbres autour de Jérusalem, à la mémoire des 6 millions de déportés par les nazis. Salma ne pensait pas qu'une jeune fille d'à peine 20 ans pouvait savoir des choses que même des gens de sa génération à elle ignorent ou ont oubliées. Chacune regarde de son côté. La vieille ville de Jérusalem s'ouvre à elle. Le cœur des deux femmes bat très fort. Le souffle. Le sang. La pulsation s'accélère. Quelque chose s'emballe. Pu venir vous chercher. J'étais inquiet parce que j'ai vu à la télévision que... Vous ne savez pas ? Non. Une femme. Vous n'avez pas entendu la radio ? Vous n'avez rien vu à l'aéroport ? Si. Une femme qui a fait sauter une ceinture d'explosifs. Un attentat terrible. Mais si l'on peut dire par chance, enfin vous comprenez, il n'y a eu que quelques blessés. Ouais. La femme a eu du mal à manœuvrer sa bombe ou à se sentir acculée. Les services d'ordre, un mouvement de panique, on ne sait pas. La peur d'être interceptée. Elle a fait sauter sa charge suffisamment à l'écart de la foule. Il y a quelques blessés, mais pas de morts. Enfin, pas encore, parce que sauf que... Oui, enfin, une jeune femme, entre la vie et la mort, dans le coma, et c'est un miracle qu'elle ne soit pas déjà... Oh. Enfin, vous comprenez, j'ai pas pu... Oui, je comprends. Avec ce qu'ils ont dit à la télévision, avec la violence des images, des voitures carbonisées, un mur explosé, des gravats sur des dizaines de mètres, des débris... une quantité invraisemblable de sang. C'est incroyable que la jeune femme n'ait pas été complètement déjectée. Mais c'est-à-dire que la terroriste est une femme jeune, elle aussi, et que peut-être elles avaient toutes les deux le même âge. Deux femmes de 30 ans, peut-être moins, 25. L'une avec son désespoir en fermant les yeux sur sa vie et celle de ceux qu'elle veut anéantir. Et l'autre venue à l'aéroport pour chercher quelqu'un et qui allait peut-être seulement trouver une mort horrible et scandaleuse. Je me demande ce que je fais dans cette ONG, ce que font les ONG, toutes les ONG. Bon, là, maintenant, je peux le dire, oui, j'ai eu peur pour vous. Je suis vraiment désolé. Hier soir, j'étais seul. C'est pas grave. Je n'ai pas pu venir laisser les bureaux sans personne. J'étais de permanence. Vous comprenez? Oui. Vous avez déjà fait ce job, parce qu'on m'a dit. Excusez-moi encore. Tout va bien. Rassurez-vous, je sais ce que c'est, vous inquiétez pas. Je viendrai demain, voilà, demain matin, vers 10h. D'accord. Au revoir. Oui, au revoir. Oui. Le lendemain matin, Louli se lève tôt. C'est comme s'il avait fallu ne pas s'abandonner au sommeil, parce que celui-ci parfois est accompagné par... Comment appeler ça ? Un rêve ? Un cauchemar ? Quelle importance. Ce sera toujours la même brutalité. Alors disons rêve. Ce rêve qu'elle a commencé à faire dans l'adolescence et dont elle n'oubliera jamais la première fois où il s'était imposé, tant l'impression avait été forte d'une intrusion. Une violence si réaliste, si précise que depuis c'est la réalité elle-même qui avait perdu de sa vraisemblance et semblait parfois incertaine, perdue dans des contours si peu nets qu'ils s'en mêlaient et disparaissait dans la succession des heures. Alors que ce rêve, lui, avait le tranchant et la netteté d'une lame aiguisée, comme si lui seul avait la profondeur d'un vécu. Hier, elle s'était demandé où mieux qu'à Jérusalem il pourrait revenir. Mais ce matin, elle se dit qu'elle n'a pas fait ce rêve, pas cette nuit. Pourtant, c'est étrange, elle se sent comme si elle l'avait fait. Parce que c'est le même épuisement, la même morosité et déprime qu'après son passage. Elle va se dépêcher, engloutir des œufs au plat, du café à la cardamome, puis essayer de trouver un taxi. Tant pis si elle ne revoit pas Salma ce matin. Ce n'est pas grave. Elles ont échangé leur numéro, et Salma lui a promis de l'appeler en fin d'après-midi. Louli est obsédée par son téléphone. Au fond, rien d'autre ne compte autour d'elle que son Nokia et l'écran au reflet vert de gris. Elle se dit qu'il n'y a rien de pire qu'un écran digital qui reste inerte, vide, comme mort. Comme si tout le lien aux autres était mort, que tous les autres étaient morts. Tous ceux dans son carnet d'adresses, un cimetière de noms. Mais son téléphone n'y est pour rien. Les gens de chez Nokia ne sont pas responsables de son impolitesse à lui, ni du silence mystérieux et inquiétant des autres. Salut, c'est Pablo, laissez-moi un message. Mon Dieu, j'espère qu'il t'est rien arrivé et que tu vas rappeler. Enfin, je veux dire si, j'espère que si, qu'il t'arrive un putain de truc grave, tu vois. Parce que je crois que sinon, t'auras vraiment du mal à te faire pardonner. T'entends ? Rappelle-moi, merde ! Et je te signale aussi qu'il était question qu'on se fiance, tu te souviens ? C'est toi qui as eu l'idée, non ? Et qu'on devait se retrouver ici, non plus ? Tu t'en souviens pas ? C'est toi qui as eu l'idée. Alors si tu pouvais au moins me rappeler, ce serait cool. Au moins pour me dire ce que tu fous. Putain. Tenez. Vous êtes sûr que c'est là-bas que vous voulez aller ? Oui. Pourquoi ? Il y a un problème ? Pour rien, rien de grave. Ah. C'est juste que ce n'est pas très loin. Le taxi s'arrête quelques rues plus loin. Vous voudrez bien m'attendre quelques minutes ? Je vais très certainement trouver une porte fermée. Je serai pas longue à revenir. Merci. Quelques minutes seulement ont passé. Vous avez préféré rester avec moi ? C'est rien. Comprenez l'hébreu ? Un peu. Écoutez, vous allez m'emmener à Yad Vashem. Autant commencer par ça, non? Ouais, c'est sûr. Si vous permettez, je ne devrais peut-être pas le dire, mais... je crois que d'aller à Yad Vashem, au fond, personne n'en a vraiment envie. Mais bon, une fois que c'est fait, on se dit que c'était important de le faire. Qu'on doit le faire, qu'il le faut. Oui, sans doute. C'est quelque chose comme ça. C'est dingue ce qui se passe, non? Il se passe quoi? Il y a encore eu un putain d'attentat chez nous. Un arabe qui s'est fait péter la gueule à coups d'explosifs. Et puis il lève une main au ciel en prenant Dieu à témoin. Ou à partie. Il faut dire qu'avec la vie qu'on leur fait, moi à leur place, vous savez, il ne faut pas croire que tous les Israéliens sont d'accord avec ce que fait le gouvernement. Les colonies, le mur, la répression. Moi, je ne vote plus depuis un bout de temps. S'il n'y avait que moi, on ferait mieux de s'occuper... enfin, la politique. Et ce qui se passe au Japon, vous avez entendu? Non. Un tremblement de terre comme ça n'arrive qu'au cinéma, je veux dire le cinéma américain. Imaginez des vagues qui engloutissent des gratte-ciels, un cataclysme, la fin du monde. Ah bon? Non, vraiment, c'est hallucinant ce qu'ils disent. Ils ont même dit qu'une partie du Japon pourrait être engloutie, vous vous rendez compte? Ce qui impressionne Luli, maintenant, c'est plutôt une apocalypse sans terre qui tremble, sans pays englouti par les eaux, sans la main de la nature. Une apocalypse implacablement humaine, dont Luli savait qu'elle avait englouti des millions de juifs. Une apocalypse engloutie à son tour par les années, mais aussi dans des récits, des fictions, des légendes, dont Luli avait plus peur encore qu'ils finissent par terminer ce sale boulot que les nazis n'avaient pas pu achever. Ensevelir, engloutir la catastrophe elle-même, jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte, et pour tout dire totalement annihilée. Et c'était pour ça qu'elle avait voulu venir ici à Yad Vashem, le mémorial à la mémoire des victimes de la Shoah, ici, à Jérusalem. Le besoin de venir était devenu en quelques semaines, quelques mois, de plus en plus fort, de plus en plus important. Pas vraiment une obsession, mais une présence discrète et permanente. Comme ce rêve étrange qui, à l'époque, ne la lâchait pas. Des marches d'un mètre, un bâtiment très vaste, des murs peints en jaune, des fleurs dans des pots, une ampoule, une lumière qui s'éteint. Luli avait raconté ce rêve à sa mère, qui avait fait semblant de ne rien entendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait là, à trépigner dans une foule qui fait la queue pour aller à la rencontre de la mémoire de la déportation? Bienvenue au mémorial Yad Vashem. Petit rappel de... quelques petites règles avant que nous démarrions notre visite. Donc, il est interdit de prendre des photos, de mâcher du chewing-gum, bien évidemment. Et je vais vous demander à veiller de bien éteindre complètement vos téléphones portables, si vous pouvez vérifier maintenant. Merci. Alors maintenant, vous pouvez mettre vos casques, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que... tout le monde m'entend bien. Est-ce que vous entendez ma douce voix? Ma douce voix, ça grésille un peu? Ça grésille. Alors écoutez, il faut connaître l'histoire pour que l'histoire ne se reproduise pas. Le guide dit ça sans y croire. En France, un prétexte banal pour raconter ce qu'il raconte plusieurs fois par jour. De Versailles. Il débite l'humiliation des Allemands et la fin de la Première Guerre mondiale. Et ne font qu'en renforcer. Il lâche en trois phrases la montée des nazis, les premières mesures contre les juifs, les premières brimades, la stigmatisation, la persécution, l'annihilation programmée, méthodique, organisée. Elle lui collerait bien une baffe à ce type qui a l'air de répéter sa leçon. Parler de lui avec un putsch manqué en Bavière. Entre les années 1904 et 1929, celui-ci finit mécaniquement, par accéder au avec une docilité qui l'effraie, Luli avance d'une salle à l'autre en même temps que le groupe, le suit sans oser s'écarter. Son obéissance lui est insupportable. Elle repense à Salma et à leur conversation d'hier soir. On ne peut pas vivre sans le passé, parce que tôt ou tard, Le passé incrimine le présent. Ce que le passé nous enseigne, c'est de modifier, de corriger la trajectoire, maintenant, dans le présent. Oui, il incrimine le présent pour que nous le changions, parce que pour lui, c'est trop tard. Attends, je suis pas sûre de tout comprendre. Ton histoire de passé qui incrimine quoi? Je peux pas te répéter. C'était idiot, sans doute. Fais pas attention. Du charabia. Maintenant, cette poussière de mots envahit la tête de Louli. Ce que le passé nous enseigne, c'est de modifier, de corriger la trajectoire. Maintenant. Dans le présent. Et moi, quel présent il m'a donné, le passé ? Autour du monde, de Laurent Mauvignier. Adaptation Louise Loubrieux. Troisième épisode. Avec Elsa Le Poivre, Salma, Rebecca Stella, Louli, Blanche Cluzet, la femme militaire, Marc Prin, l'homme de l'ONG, Zohar Wexler, le chauffeur de taxi. Et les voix de Daniel Königsberg, Guillaume Marquet, Étienne Galarague, Blanche Gel, Milan Isard, Antonin Chalon, Serge Roumi, Nicolas Moulin, Mathias Simon, Anne-Laure Maudet, Louise Loubrieux, Agathe L'Huillier, Joanne Proust, Valentin Capron et Agnès Mire. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.